et feront palpiter encore ceux des derniers hommes et des dernières femmes. Leur marche lente suivait la lenteur du récit que des oppressions, parfois, interrompaient quelques secondes. Et la pensée de Jeanne, alors, bondissant par-dessus les aventures commencées, s'élançait vers l'avenir peuplé de joie, se roulait dans les espérances. Un après-midi, comme elles se reposaient sur le banc du fond, elles aperçurent tout à coup, au bout de l'allée, un gros prêtre qui s'en venait vers elles. Il salua de loin, prit un air souriant, salua de nouveau quand il fut à trois pas et s'écria « Eh bien, madame la baronne, comment allons-nous » C'était le curé du pays. Petite mère née dans le siècle des philosophes, élevée par un père peu croyant, au jour de la Révolution, ne fréquentait guère l'église, bien qu'elle aimât les prêtres par une sorte d'instinct religieux de femme. Elle avait totalement oublié l'abbé Picot, son curé, et rougit en le voyant. Elle s'excusa de n'avoir point prévenu sa démarche, mais le bonhomme n'en semblait point froissé. Il regarda Jeanne, la complimenta sur sa bonne mine, s'assit, mit son tricorne sur ses genoux et s'épongea le front. Il était fort gros, fort rouge, il suait à flots. Il tirait de sa poche à tout instant un énorme mouchoir à carreaux, imbibé de transpiration, et se le passait sur le visage et le cou. Mais à peine le linge humide était-il rentré dans les profondeurs de sa robe que de nouvelles gouttes poussaient sur sa peau et, tombant sur la soutane rebondie au ventre, fixait en petites taches rondes la poussière volante des chemins. Il était gai, vrai prêtre campagnard, tolérant, bavard et brave homme. Il raconta des histoires, parla des gens du pays, ne sembla pas s'être aperçu que ces deux paroissiennes n'étaient pas encore venues aux offices, la baronne accordant son indolence avec sa foi confuse, et Jeanne trop heureuse d'être délivrée du couvent où elle avait été repue de cérémonies pieuses. Le baron parut. Sa religion panthéiste le laissait indifférent au dogme. Il fut aimable pour le curé qu'il connaissait de loin et le retint à dîner. Le prêtre sut plaire, grâce à cette astuce inconsciente que le maniement des âmes donne aux hommes les plus médiocres, appelés par le hasard des événements à exercer un pouvoir sur leurs semblables. La baronne le choya, attirée peut-être par une de ces affinités qui rapprochent les natures semblables, la figure sanguine et la laine courte du gros homme plaisant à son obésité soufflante. Vers le dessert, il eut une verve de curé en goguette, se laisser aller familier des fins de repas joyeuses. Et tout à coup, il s'écria comme si une idée heureuse lui eût traversé l'esprit. « Mais j'ai un nouveau paroissien qu'il faut que je vous présente, monsieur le vicomte de la Mare. » La baronne, qui connaissait sur le bout du doigt tout l'armorial de la province, demanda « Est-il de la famille de la Mare de l'Eure ?» Le prêtre s'inclina. « Oui, madame, c'est le fils du vicomte Jean de la Mare, mort l'an dernier. » Alors madame Adélaïde, qui aimait par-dessus tout la noblesse, posa une foule de questions et apprit que les dettes du père payées, le jeune homme ayant vendu son château de famille, s'était organisé un petit pied-à-terre dans une des trois fermes qu'il possédait, dans la commune d'Étouvent. Ses biens représentaient en tout 5 à 6 000 livres de rente, mais le vicomte était d'humeur économe et sage et comptait vivre simplement pendant 2 ou 3 ans dans ce modeste pavillon afin d'amasser de quoi faire bonne figure dans le monde pour se marier avec avantage sans contracter de dettes ou hypothéquer ses fermes. Le curé ajouta « C'est un bien charmant garçon, et si rangé, si paisible, mais il ne s'amuse guère dans le pays. » Le baron dit « Amenez-le chez nous, monsieur l'abbé, cela pourra le distraire de temps en temps. » Et on parla d'autre chose. Quand on passa dans le salon après avoir pris le café, le prêtre demanda la permission de faire un tour dans le jardin, ayant l'habitude d'un peu d'exercice après ses repas. Le baron l'accompagna. Il se promenait lentement tout le long de la façade blanche du château pour revenir ensuite sur leurs pas. Leurs ombres, l'une maigre, l'autre ronde et coiffée d'un champignon, allaient et venaient tantôt devant eux, tantôt derrière eux, selon qu'ils marchaient vers la lune ou qu'ils lui tournaient le dos. Le curé mâchonnait une sorte de cigarette qu'il avait tirée de sa poche. Il en expliqua l'utilité avec le franc-parler des hommes de campagne. « C'est pour favoriser les renvois, parce que j'ai des digestions un petit peu lourdes. » Puis, soudain, regardant le ciel où voyageait l'astre clair, il prononça « On ne se lasse jamais de ce spectacle-là. » Et il rentra prendre congé des dames.